De ce silence contre nature, comme un court-métrage, un pot commun pour mes pages, griffonné de bars et de ratures. On n'est pas tombé sous les bavures, l'instant nous a capturés, la force d'écrire ensemble nous a fracturés. Direction Lofi, restons factuels, on avance sans se retourner. Retiens les leçons de la chance, les chiens sont lâchés d'avance et faits de son absence. Tu sais qu'on n'a rien à vendre, c'est bien ce que l'on représente. Les refs, le rap et le son de la France, celui des meutes de loups. C'est mieux d'être seul qu'en mauvaise compagnie. Fais pas tes yeux de velours équipés d'énormes égonomines. Te contamine sans économie, le fond t'anime et cache des vœux chelous, chacun son avis. C'est clair ça, tout ça la mer c'est d'une paire d'as. Si on se perd si vite sur verre que là, ne pas trop en dire en un éclair, ça c'est clair. Si sortir de cette verve là, non en fait ferme là. Yo, j'ai bien compris qu'on laisse trop de monde juste en visant des thunes. Rêve accompli comme l'astronaute après 10 ans d'études. Enfin je peux quitter la terre pour me vider la tête. Et pour qu'une seule idée l'atteigne, faut que l'esprit la peigne. Grimpe tout là-haut où le silence règne. Nos défunts parlent de mots et de président dans le ciel. Voilà pourquoi ces temps-ci je me fais danse crête. Je danse crête car dans ce monde je prétends que j'ai la chance d'avoir eu accès à la connaissance et de pouvoir m'accorder le temps de créer. La conscience de devoir l'accès à bon escient et parfois de ne pas vouloir m'accorder comme temps de crête. Mais on s'entraide pour devenir plus grand. On s'engraine pour que chaque sourire devienne plus tendre. Donc on s'entraîne à ne plus se taire et vous chanter. Se concentrer d'amour, signer, présier le mot santé.